Mon père, le dictateur. Прослушайте текст. Согласны ли вы с тем, что отец Даниэля тиран? Je m'appelle Daniel Picard. Tu trouves que ton père est énervant, mais tu ne connais pas mon papa. Mon père, c'est un vrai dictateur. Même maman le dit. Je n'ai pas une minute de liberté. Toi, le soir, après le dîner, qu'est-ce que tu fais? Si tu as fini tes devoirs, tu lis ou tu regardes la télé, non? Pas moi. Oh non, jamais. Tous les soirs, après le dîner, papa prend sa pipe et me demande de lui montrer mes devoirs. S'il trouve une faute, un mot un peu mal écrit, c'est une catastrophe. Il fait une scène et je recommence toute la page. Après les devoirs, c'est les leçons. Si j'hésite sur un mot dans un poème, il faut tout recommencer. Il y a des soirs où, à 10 heures, on n'a pas encore fini. Et ça, ce n'est rien. Mais quand nous finissons trop tôt, alors il me dit que les profs ne nous donnent pas assez de devoirs et il me donne des exercices supplémentaires. Il aime inventer des problèmes de maths impossibles. Alors tu me dis que c'est normal qu'il y a beaucoup de parents comme ça ?